بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتيه بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنأخذ بعض اصطلاحات ابن حجر في كتابه، certaines terminologies qu'il a établies dans son livre quant au classement des hadiths dans le takhrij. من أخرج، c'est-à-dire quel est l'auteur qui a rapporté les hadiths qu'il cite. Donc dans des hadiths, certains vont dire Rawahu as-sab'atu, apporté par les sept. Man hum as-sab'a, c'est qui les sept? C'est Ahmed et Al-Bukhari et Muslim et Abi Dawud et Tirmidhi et Nasa'i et Ibn Majah. Quand on dit les sept, ce sont ceux-là. Puis, quand il dit Asitta, les six, Manuhum, c'est tous sauf Ahmed. Tous ceux qui ont été cités précédemment, sauf Ahmed. Quand on dira Asitta, c'est-à-dire Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Quand il dit Al-Khamsa, rapporté par les cinq, c'est tous sauf Al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire Ahmed compris, plus les quatre autres, hein, hormis Al-Bukhari et Muslim. Il dit « وَقَدْ أَكُلَ الْأَرْبَعَةُ وَأَحْمَدْ بِالْأَرْبَعَةِ » Il explique qu'ils disent « les Arba'a » et parmi eux Ahmed est compté. Et lorsqu'il dit « الثلاثة » les trois, c'est Abu Daoud, Tirmidhi ou An-Nasa'i. Et quand c'est les deux, Bukhari et Muslim, c'est Muttafaqun Alayhi, assez ma'arouf, dans tous les kutub. Et il se peut que des fois, il rapporte le hadith, Muttafaqun Alayhi, et ce hadith a été rapporté par autre que Muslim et Bukhari, mais il ne cite pas. Alaykoum salam. Il ne cite pas qui les a rapportés. Il se contente juste de rapporter Bukhari et Muslim. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que eux deux qui l'ont rapporté, mais si les deux l'ont rapporté, ils suffisent tous les deux. Car comme tu le sais, leurs deux livres sont les plus authentiques qui aient été écrits. Bukhari et Walad, Thumma Muslim. On a appris que c'est quoi la différence entre le Bukhari et le Muslim? Al-Shurut. Pourquoi le Bukhari il est أصح كمسلم؟ أيوة. que lui il a mis comme condition que le rapporteur soit contemporain à son cher et qu'il l'ait rencontré. Alors que Muslim s'est contenté de quoi? Al-Mu'asara, qu'il était contemporain à lui. Il n'a pas ajouté la condition qu'il l'ait rencontré. Donc Bukhari est plus strict dans ces conditions. De là, c'est la différence qu'il y a. Il y a d'autres différences qu'on a citées, mais celle-ci, c'est la plus importante. Ensuite, parmi les Sunan, Ashab al-Sunan, le plus authentique à la cause sahih, c'est An-Nasa'i. C'est An-Nasa'i. Mais quand on cite Tartib, on dit Abu Dawud en premier, ensuite Tirmidhi, ensuite An-Nasa'i, ensuite Ibn Majah. Mais Nasa'i, parmi les kutub sunan, c'est Asah. C'est même certains, parmi les ulama du Maghreb, comme l'a fait le Cheikh Jumran, disent que Nasa'i, Asah min Muslim. Mais Al-Kol fi Nazar. Certains disent que Sunan Nasa'i, sous-entendu que musulman. Mais c'est certain que seulement qu'on dit ça, et leur col marjouh. Quand même. Al-Bukhari, masmuhu. Aïwa. Abu Mohamed, Abu Abdullah, Mohamed, Ibn Ismail, Ibn Ibrahim, Ibn Mughira, Al-Bahdizbah. Son nom c'est Mohamed. Tamam? Abu Abdullah. Imam Bukhari, son nom c'est Mohamed. Le musulman, نعم مسلم ابن حجاج النسابوري ابو داود ابو داود ابو داود سي سليمان ابن اسحاق ابن الاشعث سجستاني سي لو بير دو دو كي اون ا بري سليمان نو سي لو سليمان ابو داود سليمان. C'est qui son fils qui est connu? Qu'on a cité? Non, Abu Daoud c'est lui. Non, Suleiman c'est Abu Daoud. Et c'est qui son fils? Dont on a pris la Ha'iya? Abu Bakar? Abdullah Ibn Abi Daoud. Mais plus connu pour sa, par sa kunya. Abu Bakr Ibn Abi Daoud. Tayyib. والترمذي الترمذي سي ابو عيسى ابو عيسى محمد ابن عيسى ابن سوره دونك سو برينوم سي محمد الترمذي سي محمد سابل انسائي انسائي ابو عبد الرحمن احمد ابن شعيب ابن علي اي ensuite pour finir نعم يا ابن ماجه lui c'est أبو عبد الله محمد ابن زيد ابن ماجه أبو عبد الله محمد ومحمد ابن زيد ابن ماجه يا الإمام أحمد أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني نعم حنبل c'est son grand-père son père c'est محمد mais il a été apparenté à affilié à son grand-père qui était plus connu طيب et parmi tous ces kutubs le plus authentique c'est le Bukhari et le Muslim et c'est peut entendre que Shafi'i rahmahullah ta'ala a dit qu'il n'ait pas trouvé de livre sous les Anif al-Ibarat al-Tessama Asah min Muwatta Malik. Il n'a pas trouvé de livre plus authentique que le Muwatta de l'imam Malik. Et ça, car le Muwatta a été écrit avant Sahih al-Bukhari. C'est pour ça. Al-Bukhari, après, il a fait son livre à la demande de son cheikh qui dit qui c'est qui nous assemble un livre qu'avec de l'authentique. Car il y a des hadiths, des kutub qui ont été écrits avant Sahih al-Bukhari. Mais aucun il a concentré ses efforts pour mettre du sahih. Le premier qui est venu qui a jamais un sahih, c'est le Bukhari, après c'était le Muslim. Alors, il y a combien de temps il a mis pour écrire Sahih al-Bukhari? Takriban. 17 ou 18 ans. Naam. Adib. Et aujourd'hui, regarde son livre, il est toujours là. Comme disait Cher Fat, ou Cher Abdelazak, je ne sais pas si quelqu'un avait dit ça dans Ders. Imagine le âge que Al-Bukhari prend. Est-ce que tu réalises le âge que l'imam Bukhari il prend? Et que son livre soit une référence, cela est un grand signe de sa sincérité à ce qu'il a fait. Plus de... à peu près. Oui, c'était le 3e siècle. L'imam Bukhari, si je ne me trompe plus dans les dates. Et son livre a traversé la génération jusqu'à notre époque. Combien de gens l'ont pris? Combien de gens l'ont mémorisé? Comment a-t-il servi à la Ummah? Et son meilleur charge, c'est lequel? Aïwa, Fath al-Bari. Fath al-Bari. Et Shawkani l'avait interrogé. لماذا ما تصنف يبدو رجب aussi qui avait commencé sur le meilleur mais il l'a pas terminé. Il s'appelle aussi Fatih al-Bari mais il l'a pas terminé. Donc là actuellement le plus grand char qui a été fait, le meilleur, c'est celui de Ibn Hajar qui est l'auteur de Bulugh al-Maram. Et je crois que c'est Shawkani, si je ne me trompe pas, qui il était demandé pourquoi c'est pas un char de Bukhari. Il a dit La Hijrata Bad al-Fatih. Tu vois, en fait, quand il disait Fat, il visait Fat al-Bari. Je ne peux pas faire mieux que ce qui a été fait déjà. Naam. Rahmatullah alim jami'an. Et les Ashabs de Sunan, c'était pas des Arabes. C'était pas des Arabes. Parce que c'est lui-même Ahmed qui est un Arabe. Les autres, c'était pas des Arabes. Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmizi, Nasai ibn Majah, c'était pas des Arabes. C'était des gens de l'Asie de. Plus vers tout ce qui est vers. Vers la Mongolie, tout ça là. Ah, allez, comme ça. L'Asie de l'Est ou de l'Ouest, c'est plus par rapport comme je suis habitué au planisphère plat là, par rapport aux directions j'ai perdu, mais c'est pas des Arabes, c'est des Arjami. Et alors on a fait une baraka azim, mais il n'y a pas que, il y a d'autres hein, qui ont fait des kutub ma'aloufa. T'as Ibn Abi Shayba qui sont les plus grandes références dans les Afar. T'as le Sunan al-Kubra de Bayhaqi. T'en as plein d'autres, mais ceux-là sont les plus connus. Donc il commence Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en disant Kitabu at-Tahara. Kitabu at-Tahara Babu al-Maya. Donc le kitab, donc traduit par livre, bien entendu. Et l'oratem, c'est al-Jam. Kitab, c'est al-Jam, c'est une chose qui regroupe. Al-Jam'i, al-Huruf, al-Kalimat, al-Jumal. Le fait qu'il regroupe des lettres, des mots, ainsi que des phrases. اصطلاحا ما خط على كراتيس لإبلاغ الغير أو ما خط لحفظه عن النسيان واستعمل العلماء الكتاب فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول. Donc c'est ce qui est sur lequel a été écrit يعني comme كراتيس, on pourrait dire des feuilles pour le faire parvenir aux autres, ou ce qui a été regroupé pour le mémoriser pour ne pas l'oublier. Est-ce que également les savants ont utilisé pour pouvoir, on va dire, classer leurs ouvrages avec des abouebs, avec des. Des abouebs, on ne va pas dire porte, des chapitres. Mais en arabe, on dit bab. On peut dire fasl également. Fasl, c'est une séparation. Donc après, il dit at-tahara. Donc at-tahara, l'oratène, al-nazaha. والنظافه من الاقذار والانداس. C'est le fait de se nettoyer des souillures et des saletés. وفي الاصطلاح الفقهاء في اصطلاح الفقهاء هو رفع الحدث وما في معنى رفع بالماء او التراب الطهورين وزوال النجاسه. Et ce qu'il est à de la terminologie, c'est le fait de lever l'impureté. Ou dans ce qui prend le sens d'enlever l'impureté. Par l'eau, ou également la terre. La terre qui est tahour. Ça vient le mal à tahour. Et quand ils disent qu'il est dans le sens de ce qui enlève l'impureté, c'est que des fois tu peux faire l'eau d'eau, alors que tu as encore ton eau d'eau. T'as l'eau d'eau, tu l'as pas perdu, et tu refais l'eau d'eau. Ça rentre dedans. C'est tahara. Tahara, c'est pas forcément enlever la pureté. Tu peux ne pas être en état d'impureté, mineur ou majeur, et tu peux quand même faire l'eau d'eau. Ou également, par exemple, la femme, quand elle fait la tahara de Yandil Mustahada, celle qui a des pertes de sang, mais qui ne sont pas des menstrues. Quand elle se nettoie, ça s'appelle Tahara. J'hésite si on prend les os ou pas. On prend les os. Moustahid. Vas-y, on prend les os, Inch'Allah. Ça va un peu longer le dos, mais bon. Les premiers, c'est comme ça au début pour bien établir les bases et après le reste, Namchi. Taïeb. Donc, on a Babu al-Maya. Al-Maya, c'est le pluriel de Ma. Al-Ma'u. Qui est l'eau. Awalan al-Bab. Ou al-Matrol il est Shay. Al-Bab, al-Matrol il est Shay. C'est l'entrée vers une chose. Bab. واصطلاحاً اسم لجملة متناسبة من العلم تحت فصول ومسائل غالباً. Et qu'en istilah, c'est ce qui renferme comme science, regroupant comme chapitre et sujet en général. On peut pas trop le. C'est comme un chapitre. C'est comme un chapitre. Il y a des terminologies en français, on peut pas les. Il n'y a pas de faïda déjà à les rapporter, c'est en arabe que ça se dit. C'est juste Bab al-Takrim. Mais en vrai, il n'y a pas de faïda. Donc, al-maya, c'est le pluriel de ma. Donc là, c'était une définition de l'eau. Et d'ailleurs, l'ulama dit il y a des choses, pas besoin de ta'arif, elles sont connues. Al-ma ou al-ma. L'eau, c'est quoi l'eau? L'eau, ce qu'on appelle l'eau, c'est connu qu'est-ce que l'eau. Ensuite, il dit aqsam al-maya, les catégories d'eau. La plupart des savants citent que ces eaux sont de trois catégories. At-tahur. At-tahur. C'est wa tahir fi nafsi, al-mutahir li ghayrihi. At-tahur, c'est l'eau qui est pure en soi et purifiante. Elle est pure en soi et purifiante. At-tahir. At-tahir. C'est celle qui est pure en soi, mais qui ne purifie pas. Elle n'est pas purifiante. Elle est pure en soi-même. Sans être purifiante. Au thalith, al-najas. Al-najas. Et ça, c'est celle qui n'est ni pure et encore moins purifiante. Elle n'est ni pure. Najas, on appelle l'impureté, à la base. En français, on appelle ça l'impureté. Et le shir cite qu'en vérité, le fait de différencier entre at-tahir ou at-tahur, c'est pas une différenciation qui est vrai. Car toute eau, ce qu'on appelle l'eau en soi, elle est tahour, à la base. Parce que qu'on englobe comme généralité les preuves, comme dans la parole d'Allah, وَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً تَهُورًا. Et nous avons descendu du ciel une eau pure et purifiante. De toute façon, tout ce qui est mutahir, c'est forcément tahir. Une chose qui est purifiante est forcément pure en soi. Ça, c'est obligatoire. Tu ne verras pas un truc qui te purifie et qui n'est pas pur en soi. Quelque chose qui te purifie toi est forcément pur en soi à la base. Donc on peut dire, nous en français, purifiante. Ça englobe qu'elle soit pure et qu'elle purifie. On peut dire purifiante tout court, ça suffit comme mot. Et ton rôle, ça a le sens, purifiante. Wa qawlu sallallahu alayhi wa sallam, al-ma tahurun la yunajjisuhu shay'un. Que l'eau est pure et que rien ne la souille, la rend impure. Et que le fait de ne pas différencier, c'est l'avis de Sheikh Al-Sam Taymiyyah. Également de Sheikh Abdurrahman Sa'adi. Et de Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim, qui était le mufti d'avant Sheikh Ibn Baz, rahmatullah ta'ala. Et de Sheikh Ibn Baz Kazalik. Et de Sheikh Al-Faymin, rahmatullah alayhi. Pourquoi il dit ça? Car ce qu'on appelle l'eau, c'est tahour, comme le prouve le verset. À partir du moment où elle n'est plus tahour, elle ne purifie plus, ce n'est plus de l'eau. C'est qu'elle a été mélangée à quelque chose. Qu'elle est sortie de sa nature d'eau. Et bien dire, les mains voient, non, c'est de l'eau, mais juste elle a été souillée pour autre chose. Donc elle est devenue une impureté. Par exemple, un exemple. Un exemple d'une chose qui est pure et non purifiante. Il y aura des exemples qui vont venir. Du café. Du café. Par exemple, du café, c'était de l'eau à la base. Tu as ajouté le café dedans. Tu l'as mélangé. Est-ce que c'est pur ou pas? C'est pur. C'est pas de najasa. Mais est-ce qu'elle purifie? Non. Et est-ce que c'est de l'eau? Ce n'est plus de l'eau. Ça ne fait plus de l'eau. C'est du café maintenant. Elle est sortie de sa nature première qui était l'eau pour devenir du café. Ou un verre de grenadine. Pareil. C'est pur ou c'est pas pur? C'est pur. Mais est-ce que tu peux faire l'eau d'eau avec? Non, pourquoi ce n'est plus de l'eau? C'est venu de la grenadine. Donc une eau qui purifie, enfin une eau qui soit pure et non purifiante, ça n'existe pas pour certains savants. Ils disent, c'est que c'est plus de l'eau, c'est tout. Genre la main d'ici, il y a des eaux, on les appelle eaux et elles ne sont pas purifiantes, et même des fois sont en pureté. Comme par exemple, l'eau des égouts. Il y en a dit, ça s'appelle des eaux ou pas? Mel Beyara, comme on dit en arabe. La koulma, on est la koulma. On dit eau ou pas eau? Là, ils vont dire, non, mais c'est plus de l'eau. Ça s'appelle plus de l'eau, on l'appelle eau par al-ada, mais à la vérité, ce n'est plus de l'eau. Ce qu'on appelle l'eau, ce qui est connu, c'est ce liquide transparent que l'on boit, qui vient du ciel, et qui vient également des sources. C'est ça l'eau, en soi. Après ça, ça a été appelé eau, mebel tarlib. Mais en vrai, c'est plus de l'eau. Donc le khilaf, en vrai, il n'est pas... C'est juste un khilaf dans les termes. Ils sont tous d'accord qu'il y a de l'eau qui est l'eau en soi de nature première, elle est purifiante. D'accord? Et après, il y a l'impureté. Et des choses qui sont, elles, pures, non purifiantes, qui ne sont plus de l'eau. Après, c'est juste un khilaf dans les termes. Mais le fond, la base, elle est la même. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ils ne vont pas t'inventer une chose qui te purifie, qui ne l'est pas. Ça, il n'y a pas. Ça, c'est... Il y a des petits facts là-dessus. Ensuite, il dit, Mas'ala. Al-ma'u al-mudaf il est tahir. Qu'on ajoute une chose pure à de l'eau. Que devient son jugement? Donc, il a dit ça dépend. Il y a différents exemples. Premièrement, par exemple, ce qui était pressé d'une chose pure. Une chose qui était pressée. Par exemple, il cite l'exemple, l'eau de rose. L'eau de rose, mathalan. Ou des choses qui viennent de plantes. D'accord? Ce qui viennent de plantes. Ou ce qui coule des arbres. La sève. Mais la sève, c'est un peu... La sève, ouais, la sève. Tant que ça reste liquide. Donc là, il dit, il rapporte de Ibn Munzir, dans l'Awsat, que lui, Ibn Munzir, il dit que de tout ce que j'ai retenu d'eux, ce dont j'ai retenu, il voit tout ce qu'on peut, on peut pas faire l'eau d'eau avec ça. L'eau d'eau n'est pas valable avec ce genre d'eau. Là, ça a été appelé eau, et pour des gens, ça s'appelle pas de l'eau, ça. Ça s'appelle asir. La salane. Ça peut dire asir. À la base, asir, nous, on dit jus, à la base, c'est tout ce qui a été pressé. Et le Shir dit, en réalité, il n'y a pas d'unanimité sur le sujet. Ils nous vont dire, à partir de ce que lui savait, mais en réalité, il n'y a pas de ijma. Et parmi ceux qui ne voient pas cet avis-là, Shir al-Islam, lui, voit que tu peux faire l'eau avec. Mais il ne saute plus le tarjih. Je ne vois pas c'est quoi le tarjih, c'est quoi la vie de pondérant. Mais en vrai, cela n'est pas de l'eau telle qu'elle est. Afani, lorsque cette eau a été mélangée une chose pure, mais que son nom a changé. Comme ce qu'on a cité comme exemple, le café, le sirop, le thé, ce genre de choses. Ou les bouillons, ce qui est devenu un bouillon. Ou du vinaigre. Ça, il est unanimité que ce n'est plus mutahhir. Ça ne purifie pas. C'est pur, mais ça ne purifie pas. Tu ne fais pas l'eau d'eau avec. Car ça ne s'appelle plus de l'eau. Par contre, des choses comme par exemple de l'eau à laquelle on a rajouté du sel ou du sucre, mais elle reste dans sa nature d'eau, ça là tu peux faire l'eau d'eau avec. Ensuite, de l'eau à laquelle on a rajouté une chose également qui est tahour, comme quoi? Comme de la terre. À la base, la terre c'est tahour aussi, on peut faire le tayammum avec. Et c'est tahour, la terre c'est tahour, c'est purifiant. Ils disent quoi les ulama? Ils disent, cette eau-là, tu fais l'eau d'eau avec. Tant qu'elle reste eau, que ça ne vient pas de la boue ou de la terre. Tant qu'elle reste comme de l'eau, même si elle est marron, elle est tahour. Par exemple, tu te rappelles à Demesh, quand il y avait les souyoul qui passaient, l'eau était quelle couleur? Hein? Elle était marron. Ben, cette eau-là, elle était tahour. Tu peux faire l'eau d'eau avec. Car elle était mélangée au quoi? À de la terre. Et toutes les najasas qu'il y avait, qui sont parties, même, elle suffisait pas à contaminer, à souiller l'eau, comme ça va venir la mas'ala. À quel moment l'eau devient souillée ou pas? C'est pas toute najasa qui tombe dans l'eau qui la rend impure. Il y a une quantité. Et il y a des caractéristiques. Ça va venir, Inch'Allah. Ensuite, ils disent également l'eau qui a été mélangée par une chose, non pas qui soit en elle, mais aux alentours. Comme par exemple, une flaque, ou une mare, autour d'elle, il y a des herbes, ou des racines, des arbres. Tout cela s'est mélangé avec. Même ils disent que l'eau, tu fais l'eau avec également. Car tout cela, c'est pur. Et ça reste toujours de l'eau. Une eau qui a été mélangée par des choses aux alentours, avoisinantes. Des choses avoisinantes. Par exemple, tu as une flaque d'eau ou une petite mare. Autour d'elle, tu as plein de plantes. Et ça s'est mélangé. Ça, cette eau-là, elle est toujours tahour. Et également, Bukudama dit qu'il n'y a pas de khilaf dans le sujet. Et pourtant, certains ont divergé là-dessus. Non, l'eau qui a été mélangée à des choses avoisinantes. Mais l'avis le plus juste, c'est que cette eau-là est tahour. Elle reste tahour. Tayyib. Ensuite, il cita pour finir l'eau qui a été conservée à tel point que l'une de ses caractéristiques, elle a changé. De l'eau, par exemple, dans un citerne, dans un jar, longtemps. Mais elle n'a pas été mélangée de najas. D'accord ? Cette eau-là reste tahour. Cette eau-là reste tahour. De toute façon, tous les exemples qu'on a cités là, ils vont venir avec la règle dans le prochain vers, Inch'Allah. Quand la règle, tu l'as acquise, on peut te donner plein d'exemples, tu vas te retrouver la solution, bismillah. Tu restes sur les bases données par les hadiths qu'on va citer, après tu as tes usul. Pour se dire, et si ça, et si l'eau fait ça, toi tu restes là-dessus, tu dis ça. Donc, après, on peut te dire, c'est ça l'important d'avoir des usul. Quand tu as des usul, on t'emmène plein de juz'iyat, bismillah, tu peux y répondre. Tu as des bases, il faut t'emmener plein d'exemples, tu as sur tes bases, tu dis, ça ne me perturbe pas. Tu peux donner plein d'exemples, bon, c'est que des fois, peut-être qu'il se peut que quelqu'un il va trouver un truc vraiment minutieux qui va te faire hésiter, mais à la base, quand tu as des bons usul, Inch'Allah, tu ne t'ébranles pas et tu arrives à répondre. Et l'eau, quand tu verras de l'eau, tu n'arriveras pas à douter. Est-ce que cette eau-là, je peux faire le doigt avec ou pas? Et ça, c'est Mouhim. Le Mouhim doit savoir ça. Quand il trouve de l'eau, est-ce que l'eau, elle est parce que tes gens font des wassa, oui. Si tu vois de l'eau sale, par exemple, il y a de la terre, l'eau, elle est sale, je ne fais pas le doigt avec. Non, c'est pas comme ça. Pas même, hein. Le tahara, c'est une chose qui est individuelle, que tout le monde doit savoir. Enfin, on a qu'à faire bien là. On a qu'à l'hamdoulilah rabbil alamin.